laïcité, la liberté, la tolérance et de la mixité. Un pays où il y a de plus en plus de mendicité. Les gens confondent terrorisme, islam et cité. Le genre de conneries qui pousse l'humain à des atrocités. Au nom de textes sacrés qu'on a déjà trop cités. C'est un slam excité pour toutes les femmes excisées. Les amitiés brisées entre les communautés. La religion c'est pas une prison, t'y es pas menotté. Moi mon guide c'est ma raison, personne pourra me l'ôter. Athée, ce qui m'empêche pas de sincèrement respecter l'homme. Malgré ses mauvais côtés, sa tendance à sa beauté, la femme voilée ou décolletée, qu'a passé trop d'années sans voter. C'est pas une loi vie de 100 ans qui apportera l'égalité. Donc je te le dis en chantant, même si elle a ses qualités. La religion est un important facteur de mortalité. Il serait temps de faire évoluer les mentalités. Je respecte si c'est ta façon de vivre, si ça te fait aller mieux. Je respecte si ça t'apporte l'équilibre, si ça te rend plus sérieux. Je respecte mon ami tant que t'acceptes que chacun est libre de faire les choix qu'il veut. Ouais, chacun est libre de faire les choix qu'il veut. Tu vas pas prendre les armes au nom d'un royaume des cieux. Non, tu vas pas prendre les armes au nom d'un royaume des cieux. Je respecte si c'est ta façon de vivre, si ça te fait aller mieux. Je respecte si ça t'apporte l'équilibre, si ça te rend plus sérieux. Je respecte mon ami tant que t'acceptes qu'on doit faire le nécessaire pour vivre ensemble au mieux. On doit faire le nécessaire pour vivre ensemble au mieux. On répond devant les hommes avant de répondre devant Dieu. On doit répondre devant les hommes avant de répondre devant Dieu. Allah, Jéhovah, Bouddha ou Shiva, mais qui t'adresses-tu quand tu ne sais plus où tu vas? Les bonnes réponses sont toujours au fond de toi, et pas forcément dans un bouquin. Quel qu'il soit, dans la vie y'a des lois, mais pas de mode d'emploi. Si ta liberté s'arrête là où celle des autres se déploie. Je crois que t'as le droit de croire en quoi que ce soit, donc ça n'engage que toi. Après, chacun sa croix. Mais comment ça se fait que dans une république laïque, la plupart des jours fériés soient des fêtes catholiques? Et alors c'est le seul moment où on pourrait faire les boutiques. Le dimanche c'est une journée morte, quasiment post-apocalyptique. Cataleptique, sceptique et mon optique vis-à-vis de la politique. Mais c'est facile de dire que seul Dieu pourra te juger. En attendant t'es sur terre, il faut bien cohabiter. C'est le principe même de la laïcité. Y'a pas à hésiter, c'est en la marre d'être haïcité. Différent d'une majorité. Une fois que le pays peut progresser, y'a bien des noirs au JT. On n'est pas obligé de partager les mêmes visions réductrices. Une femme peut exister autrement comme un coproductrice. On est bien forcé d'instaurer certaines valeurs directrices afin d'éviter de sombrer dans des dérives destructrices. Dans la vie y'a pas que des trucs tristes, comme la passion du gris. De tolérance égale moins de souffrance. C'est en suivant cette notion qu'on connaîtra la douce France. Je respecte si c'est ta façon de vivre, si ça te fait aller mieux. Je respecte si ça t'apporte l'équilibre, si ça te rend plus sérieux. Je respecte mon ami tant que t'acceptes que chacun est libre de faire les choix qu'il veut. Ouais, chacun est libre de faire les choix qu'il veut. Tu vas pas prendre les armes au nom d'un royaume des cieux. Non, tu vas pas prendre les armes au nom d'un royaume des cieux. Je respecte si c'est ta façon de vivre, si ça te fait aller mieux. Je respecte si ça t'apporte l'équilibre, si ça te rend plus sérieux. Je respecte mon ami tant que t'acceptes. On doit faire le nécessaire pour vivre ensemble au mieux. On doit faire le nécessaire pour vivre ensemble au mieux. On répond devant les hommes avant de répondre devant Dieu. On doit répondre devant les hommes avant de répondre devant Dieu.